Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Nous sommes le lundi 3 décembre 2018 après Jésus-Christ. Et on va vous parler maintenant, enfin on va encore vous parler hein, des gilets jaunes. Et alors, voilà, bah, comme tout le monde. Donc, un petit peu pour resituer un petit peu le contexte. Ouais, je vous conseille un petit article un peu synthétique qui est paru dans le Monde diplomatique donc de ce mois de décembre. Alors, je ne vais pas vous lire l'article parce que bon, on sait que le Monde diplomatique a toujours du mal à faire très concis. Hein. Donc, c'est l'article qui s'appelle Aux sources de la colère contre l'impôt de Alexis Speyer, je suppose que ça se lit. Et donc, qui explique un petit peu ces. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui qu'est-ce qui anime ces couches de travailleurs travailleuses ou de petits patrons etc. Notamment bah, la situation la relégation géographique dans les villes périphériques etc. La perte des services publics. Et à côté de ça, bah, les impôts qui, effectivement, pèsent toujours sur ces gens-là quand même, etc. Avec la mise, un petit peu la mise en miroir avec les combines fiscales des grands groupes, avec les grands scandales de ces 2 dernières décennies, Panama Papers, etc. Donc oui, je vous le conseille. L'article est un petit peu bateau, hein. Mais ça permet une bonne mise en perspective. Moi là-dedans, alors on va commencer par justement une mise en perspective un petit peu, on va dire un petit peu plus en profondeur quoi. Donc sur le site Arrêt sur Image, il y a l'historienne Mathilde Larère qui a donc fait une petite vidéo. Donc je vais vous passer le son tout de suite, qui parle du lien entre comment bah, tous les mouvements contre l'impôt à travers l'histoire, alors que ce soit les Jacqueries, Poujade, enfin des trucs très très différents, et donc pour expliquer les points communs, les différences avec le mouvement actuel. Et c'est maintenant. Quand on découvre un objet comme ça totalement nouveau, un ovni politico-sociologico, social et économique, évidemment, le premier réflexe, c'est d'essayer de chercher des précédents historiques, ce qu'ont fait un certain nombre d'observateurs et de politiques à propos du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ils sont allés piocher du côté des jacqueries médiévales, du côté du mouvement des sans-culottes de la Révolution, du côté du poujadisme. Plus récemment, on va essayer de faire un petit point avec vous sur tous ces ovnis précédents. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand les journalistes ou les personnalités politiques font ces références historiques, ça renseigne d'abord beaucoup plus sur le regard qu'ils ou qu'elles portent sur l'événement, ce qu'ils veulent faire dire du mouvement, que le mouvement en tant que tel. Hein, parce que la plupart du temps, ils évoquent ces comparaisons pas pour leur valeur heuristique, pas pour ce qu'elle apprend du mouvement, mais pour leur puissance évocatrice, qui peut être positive comme négative. Je suis à peu près sûre que la plupart des journalistes, des hommes politiques qui parlent de la jacquerie, ne savent même pas ce que c'est, hein, s'ils creusent un petit peu. Alors pourquoi ils l'utilisent? Jacquerie, en général, ça peut être utilisé dans un sens positif et négatif. Négatif quand il s'agit de renvoyer un mouvement du côté de l'archaïsme, du grossier, voilà, c'est les jacques, c'est le côté mépris social. Ça peut être positif, hein, surtout dans les discours d'extrême droite, hein, quand ça relaye un imaginaire du vrai peuple, du peuple réel, comme disait Maurras, hein, donc contre un peu parfois aussi le mouvement ouvrier. Poujadisme, on le trouve plutôt dans le discours de gauche, parce que ça, c'est une façon de déconsidérer le mouvement des Gilets jaunes en les envoyant dans les cordes de l'extrême droite. Alors les références aux sans-culottes ou aux révolutionnaires, plus rares, mais qui existent, hein, on pensera par exemple à Ruffin qui se fait les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Là, en fait, c'est plutôt de la gauche aussi qui l'utilise pour inscrire ce mouvement dans le grand roman révolutionnaire avec une idée, hein, finalement, c'est assez performatif chez ceux qui l'utilisent parce qu'ils aimeraient bien que ça devienne une révolution. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que ces différentes comparaisons, elles disent des choses sur les Gilets jaunes. Et c'est toujours utile hein, de mobiliser des précédents historiques, à condition qu'on voit les points communs et les différences. Si on voit que les points communs, on ne comprend pas grand-chose. La difficulté, c'est que pour comparer, il faut connaître les deux parties. Or, on connaît bien le passé, mais on ne connaît pas du tout ce qui se passe. Et c'est ça la difficulté, parce que le chercheur, mais le journaliste aussi, face à un mouvement comme le Gilet jaune, donc, majoritairement antifiscal, mais c'est aussi un mouvement de consommateurs, interclassiste, hein, c'est assez évident, mais polymorphe dans ses revendications. C'est très dur à saisir quand on est chercheur, on l'a dit, et je pense qu'on y reviendra. La sociologie d'un mouvement, c'est très difficile. Moi, par exemple, je travaille sur des mouvements de ce type au XIXe siècle. Comment saisir la sociologie de ces mouvements? Je peux travailler avec les sources de la répression ou de la justice. Mais en même temps, je sais bien que les sources de la répression et de la justice, elles vont identifier des groupes qui sont peut-être indicatifs de la sociologie d'un mouvement, mais qui ne sont pas représentatifs, parce que l'engagement et la répression sont socialement différenciés. L'autre truc, c'est que face à la polyphonie, le chercheur, il doit faire le tri entre ce que disent les acteurs, et savoir qui parle, hein, de fait, à qui on donne la parole et qui en écoute, ce que disent les commentateurs et ce que disent les récupérateurs, d'une certaine façon. Donc, on a des voix différentes et il faut réussir à sortir quelque chose de cette polyphonie. Donc, ce que peut dire déjà l'historien, c'est que c'est un mouvement donc interclassiste, polymorphe, avec un sens assez complexe, et que ce type de mouvement, en fait, il est archi fréquent en histoire. Alors, ce propos, ces précautions liminaires étant prises, on va prendre les parallèles un par un. Les jacqueries, quels sont les éléments de pertinence dans la comparaison avec les jacqueries? Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde les journaux, les jacqueries, ils ne savent pas laquelle. Certains parlent de celle de 1358, d'autres celle de 1428, celle, ils en inventent même, 1500, on a des 1548. Bon, ils mélangent un petit peu tout. Hein. En fait, c'est aussi normal parce que jacquerie, la première fois que ça apparaît, c'est en 1358, et après le terme est repris dans les jacqueries suivantes, à l'époque médiévale comme moderne. Généralement, les jacqueries, c'est des révoltes antifiscales, et il y en a beaucoup, les plus connues, qui sont contre l'impôt sur le sel, hein, la gabelle, hein, qui était une taxe indirecte, le sel étant à l'époque très important, c'est le seul moyen de conservation des aliments. Donc, ce n'est pas simplement pour saler, hein, c'est pour conserver. Alors, ce qu'on peut dire sur cette comparaison, c'est que dans les Gilets jaunes et toutes ces jacqueries, les points communs, c'est d'abord qu'on a toujours des oppositions à la pression fiscale, vécue comme lourde et injuste, hein, et que toutes ces révoltes sont des révoltes à dimension rurale. Ce qui est logique au Moyen-Âge et à l'époque moderne, puisque c'est la très grande majorité de la population, ce qui est intéressant de nos jours, puisque ça ne l'est plus. Alors, l'autre point commun, si on veut tirer des continuités, c'est la présence d'un mépris social à l'écart des jacques ou des Gilets jaunes, qui est présent dans tous ces cas-là. Parce que malgré tout, il s'agit de les mépriser et de les traiter de jacques, participent du mépris social. Après, il y a des grosses différences, déjà tout simplement parce que l'impôt n'a rien à voir sous l'Ancien Régime et de nos jours. Sous l'Ancien Régime, l'impôt est profondément inégal, beaucoup plus que maintenant, puisqu'il repose essentiellement sur le tiers-état. La noblesse et le clergé, les plus grands propriétaires, en sont exemptés de taxes directes comme de taxes indirectes. Bon, il y a des nuances, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, ce qui fait que la majorité des révoltes fiscales de l'Ancien Régime, des jacqueries, visent en fait l'Église ou les seigneurs, beaucoup moins que les impôts royaux, contrairement à ce qu'on peut dire. D'autre part, sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de consentement à l'impôt, hein, puisque c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tout ce qu'on connaît actuellement, tout ce qui donne un sens particulier à cette révolte, à savoir que l'État lève l'impôt, qu'il en a le monopole, que cet impôt est décidé par les représentants du peuple, qu'on attend qu'il soit juste et qu'il est présenté comme juste dans sa répartition, qu'il est justifié parce que l'État mène des politiques publiques qui sont coûteuses. Donc, toutes ces conséquences, ça date de la Révolution française et de l'impôt sur le revenu en 1914. Ça n'a rien à voir avant. Pour autant, si on veut faire un lien, les révoltes fiscales d'Ancien Régime comme maintenant ont toujours éclaté quand le peuple a le sentiment qu'il paye sans rien obtenir en échange. Contre la dîme, quand on critique les curés dans leur mission religieuse. Contre les seigneurs, quand on pense qu'ils ne protègent plus militairement les paysans. Et là, et ce n'est pas un hasard, le mouvement des Gilets jaunes est particulièrement suivi dans les régions où il y a eu un retrait des services publics. Donc ça, c'est un lien fort. Alors, vous parliez de la Révolution. Maintenant, la comparaison peut-être la plus inattendue avec les sans-culottes. Oui, alors elle est inattendue. Et puis surtout, en fait, c'est sans doute une de celles qui a le moins de sens, même si on peut finir par voir quelque chose d'intéressant. Alors, le lien possible entre les sans-culottes et les gilets jaunes, bon, déjà, d'une, c'est qu'ils sont désignés métonymiquement par une partie de leur habit. Gilets jaunes, on voit ce que c'est. Et les sans-culottes, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la culotte des nobles, qui est un pantalon court, mais des pantalons, comme on le voit sur cette magnifique gravure de Le Sueur. Alors, l'autre point commun, c'est que c'est des mouvements interclassistes et finalement, c'est des mouvements de consommateurs. parce que c'est des mouvements de consommateurs, les gilets jaunes et ça. En gros... Plutôt du jeu de producteurs, c'est ça? Oui, je vais ouais. Parce que, et d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant. Donc les sans-culottes, il y avait de tout, des patrons, des salariés, des ouvriers, des pauvres, des riches. Bon. Mais ils avaient une beaucoup plus grande homogénéité politique, par contre, que les gilets jaunes, avec des revendications claires, démocratie directe, droit à l'insurrection, égalitarisme social... et taxation du pain. Alors attention, il ne s'agissait pas de taxer le pain pour que le pain soit taxé, ce n'est pas l'inverse, mais il s'agissait de fixer un prix maximum et si les gens le vendaient plus cher, donc les plus riches, taxer les plus riches, ils le vendaient plus cher. Mais le mot d'ordre, c'est taxation, donc c'est inversé. Là où on peut tirer un lien, et c'est ça qui m'a intéressée, c'est quand on voit la réaction finalement des mouvements ouvriers, notamment par exemple de Martinez. Martinez voit les gilets jaunes et il parle quoi? Il parle salaire, il parle SMIC. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, quand on regarde les sans-culottes ou les gilets jaunes, je vous ai dit, c'est une association de consommateurs. Ce qu'ils partagent, c'est de trouver que la vie est chère et de vouloir que la vie soit moins chère. Donc, c'est une fraternité de consommateurs, alors que le mouvement ouvrier est une fraternité de producteurs. En gros, vous avez un problème de vie chère, prix du pain sous l'Ancien Régime, prix de l'essence ou autre actuellement. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous augmentez les salaires pour que ça paraisse moins lourd, soit vous baissez le prix des éléments, enfin des produits de première nécessité. Les sans-culottes et les gilets jaunes demandent qu'on baisse le prix. Alors que le mouvement ouvrier a toujours demandé au XIXe siècle qu'on monte les salaires. Donc il est tout à fait logique que Martinez fasse au mouvement des Gilets jaunes et une réaction qui s'inscrit dans la continuité du mouvement ouvrier, qui est une augmentation de salaire, alors qu'en fraternité de consommateurs, les Gilets jaunes sont pour une baisse du prix du pain. Alors, on fait un saut d'un peu plus d'un siècle et l'étiquette de poujadisme. Alors, qui est donc utilisée pour renvoyer les Gilets jaunes uniment, enfin, dans les cordes de l'extrême droite. Alors, le poujadisme, je rappelle juste rapidement, c'est un mouvement qui a d'abord été très catégoriel et très local. Hein, c'est né autour du papetier Poujade. C'est un groupe de commerçants et d'artisans de Saint-Céré dans le Lot qui se sont opposés à un contrôle fiscal. Le contexte, l'État mène en 53 une lutte contre les fraudes fiscales qui vise surtout la grande distribution, mais qui va percuter parfois les petites entreprises en envoyant en fait des nouveaux inspecteurs de fiscaux qui s'appellent les polyvalents dans les entreprises. Alors, cette intrusion des polyvalents, qui est en fait moindre dans les petites entreprises, est très mal vécue par le petit commerce et le petit artisanat. Il y a même une scène des bronzés là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais à un moment où Dominique Lavanant, alors que l'autre lui explique ses histoires d'amour, c'est trop dur, tous les mecs et tout, elle lui explique le pire truc qui lui est arrivé, c'est ça. Voilà, je vous laisse écouter. Mais écoutez, moi, dans un autre genre, j'ai eu les polyvalents dans mon salon de beauté pendant 3 jours. Et c'est quoi vos prénoms? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club. Voilà, les polyvalents. Donc c'est à la base du poujadisme. Alors, par ailleurs, la création de la TVA était dans les tuyaux et là, de fait, elle se révélait plus profitable aux entreprises modernes qu'aux petits détaillants. Donc le mouvement est d'abord local, mais il va très vite se structurer, se doter d'un programme qui, au-delà des revendications fiscales, et un discours contre les grandes entreprises, la grande distribution, une défense des petits contre les gros, qu'on peut trouver à droite comme à gauche. Il va donner naissance à une organisation, l'Union des commerçants et des artisans, l'UDCA, qui va devenir impressionnante. On pense qu'il y a eu 350 000 adhérents à un moment, et qui a appelé à l'union avec les ouvriers et les paysans. Ça a marché pour les paysans et pas vraiment pour les ouvriers. Au tout début, le PCF a même d'ailleurs une bienveillance. Il y a des cadres communistes au début à l'UDCA, mais la rupture est consommée très nettement en 1955 parce que le mouvement, de fait, se place très nettement à l'extrême droite. Le poujadisme, c'est antiparlementaire, xénophobe, antisémite, pro-Algérie française, anticommuniste, anti-gaulliste, il réhabite Pétain. Donc c'est assez clair quand même, assez vite. Il pouvait utiliser la violence verbale et parfois la violence physique. Ce qui est notable, c'est en 1955, les poujadistes ont fait une spectaculaire montée sur Paris pour un meeting. C'était la première fois qu'il y avait cette montée sur Paris, qui ensuite a été reprise par la gauche. Les mineurs en grève en 1963 ont fait une montée sur Paris, le Larzac, montée sur Paris, les sidérurgistes lorrains. Donc, ce n'est pas propre à la droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un appel à la montée sur Paris samedi prochain, donc le 24. C'est un mouvement qui a eu des débouchés politiques, des candidats présentés aux législatives de 56, 52 élus, dont Jean-Marie Le Pen, qui commence donc sa carrière à Poujade. Donc il y a des grosses différences avec les Gilets jaunes. D'abord, la personnalisation du mouvement anti-Poujade, on n'a pas l'équivalent. L'organisation, alors que là, le mouvement est inorganisé. Et puis, la coloration évidente d'extrême droite, hein, qui là est beaucoup plus complexe dans les Gilets jaunes. Et on en discutera dans une minute. Le dernier parallèle, c'est un parallèle qui vous est venu à vous, un petit parallèle perso. Ouais, c'est mon petit parallèle perso. Alors, personne n'en parle parce que personne ne connaît, mais moi je l'aime. C'est ce qu'on appelle l'été rouge, hein, qui est une révolte fiscale de 1841. Alors, en 1841, il y a un été de révolte qui touche toute la France avec des barricades à Clermont, à Lille, à Toulouse. Enfin, c'est vraiment important, hein, à l'époque. La base, réforme fiscale à nouveau, l'État veut faire rentrer l'impôt, et il veut faire rentrer l'impôt des portes et fenêtres. C'est un impôt donc qui portait sur le nombre d'ouvertures des maisons. Et en fait, ce mouvement, comme aujourd'hui, précipite, au sens chimique du terme, hein, toutes les colères du moment. Il y avait plein de crises. Crise économique dans les campagnes et dans les villes, des agitations ouvrières, il y avait beaucoup de grèves en 1840, des mouvements de consommateurs contre le prix du pain, donc on retrouve ça, et aussi une revendication démocratique très forte. Les gens demandent le suffrage universel à ce moment-là, qui n'existe pas parce que c'est un suffrage limité. L'État est fragilisé par des scandales. Il y a même une sorte de Wikileaks, puisque juste avant la crise, on sort des missives secrètes de Louis-Philippe qui prouvent qu'il est beaucoup moins nationaliste qu'il ne voulait bien le dire. Et on dénonce aussi les élites politiques. Vous voyez, par exemple, dans cette gravure de Daumier, comment on représentait les personnalités politiques. On les appelait les ventrus ou les ventrigoulus. Dénonciation des riches en général, dénonciation de la frontière jugée trop mince entre le monde politique et le monde économique. Ce qui va créer l'émeute, c'est la rumeur, la fake news. Parce que, en fait, ça a été créé d'ailleurs par des élites de l'opposition qui voulaient mettre le feu aux poudres. On a dit aux gens, ils ne vont pas compter que les portes et fenêtres. Ils vont compter vos soutiens-gorge, vos culottes. Ils vont rentrer dans vos maisons et vont ouvrir vos tiroirs. Ça a obligé quand même les autorités à faire des affiches pour dire non, non, on ne va pas rentrer dans vos maisons. Le pouvoir a réagi par la force, ce qu'il est en train de faire là pour l'instant à La Réunion, mais on va voir ailleurs. Et il l'a fait aussi en... D'ailleurs, il les appelait des Jacques. Hein, on utilisait déjà la jacquerie pour les déconsidérer. Mais aussi en traquant les communistes. C'est le mot de l'époque. C'est les premiers socialistes. Hein. Comme aujourd'hui, il dit que l'ultra-gauche, c'est l'expression du gouvernement, est à la manœuvre. Donc on trouve la même chose. De fait, c'était un mouvement plutôt à gauche qui défendait l'égalité et qui était porteur de ça. Pour résumer, et ça sera, j'arrêterai là-dessus, la critique de l'impôt dans l'histoire, elle a toujours été présente et elle a toujours cristallisé les mal-êtres sociaux. Mais c'est toujours aussi un facteur ambigu. L'extrême droite ou la droite peut s'en saisir et quand elle fait de l'antifiscalisme son cheval de bataille, elle s'en prend souvent à l'État et aux étrangers. La gauche aussi peut s'en saisir, mais quand elle fait de l'antifiscalisme son cheval de bataille, elle parle d'égalité, de redistribution, de services publics et de protection sociale. Les deux sont présents actuellement dans le mouvement, c'est l'impression que j'ai de ce que j'ai pu voir. Merci Mathilde pour ces retours historiques extrêmement complets. Est-ce que certains des parallèles que vient d'énumérer Mathilde vous paraissent plus ou moins convaincants que d'autres? Est-ce que vous aviez fait vous-même à l'apparition du mouvement vos propres parallèles historiques? Oui, donc voilà, donc c'était Mathilde Larrère sur Arrêt sur Image. Je sais pas. Là, je pense que ça serait intéressant de revenir sur. Elle a parlé de François Ruffin, notamment, et de ses cahiers de doléances. Et j'ai trouvé sur le site de Le Média la liste de ses doléances récoltées. Donc voilà, donc le principe de ce genre de choses, bah, c'est chacun. Chacun y met sa petite sa petite contribution. Et du coup, on trouve vraiment de tout. Des trucs. Bon, il y a quand même pas mal de trucs qui reprennent l'idée de Poujade dont il était question dans l'extrait précédent. Alors, un petit peu entremêlé de choses sociales ou pseudo-sociales, comme. L'exigence qu'il n'y ait plus de SDF. Alors, truc que j'ai trouvé un petit peu surprenant, le SMIC à 1 300 € net. Bon, c'est quand même vraiment pas très révolutionnaire comme revendication, hein, je veux dire, en deçà de 1 800. c'est quand même très peu. Davantage de progressivité dans l'impôt sur le revenu, donc plus de tranches. favoriser les petits commerces des villages et des centres-villes, cesser la construction des grosses zones commerciales, dans le même état d'esprit impôt que les gros, genre les multinationales, McDo, Google, Amazon, Carrefour, etc., payent gros et que les petits artisans, TPE, PME, payent petit. Le même système de sécurité sociale pour tous, y compris artisans et auto-entrepreneurs. Là, c'est même précisé la fin du RSI, du régime social des indépendants, qui, pour rappel, est déjà sur sa fin. Enfin, y a déjà un certain nombre de personnes concernées qui étaient concernées, qui ne le sont plus. Et ça va pas tarder à... Enfin, je crois que c'est en 2019, comme on disait tout à l'heure dans le studio, que ça va vraiment se terminer. Donc voilà, un petit peu le cœur du mouvement, la fin des hausses des taxes sur le carburant. Voilà. Des choses sur un petit peu la méfiance vis-à-vis des politiciens. Donc que tout représentant élu aura le droit au salaire médian. Donc ses frais de transport seront surveillés, remboursés s'ils sont justifiés, etc. Voilà. Des choses un petit peu qui ont l'air un petit peu plus sociales. Comme un système de retraite qui doit demeurer solidaire et donc socialisé. Donc la fin du système de retraite à points. Pas de retraite en dessous de 1200 euros. Évidemment, les salaires de tous les Français ainsi que des retraites et les allocations indexées à l'inflation. Interdire les délocalisations. La fin du travail détaché. Alors ça, ce qui est... Oui. Voilà. La limitation du nombre de CDD, etc. Donc, et là-dedans, on trouve quand même des choses un petit peu particulières. Alors, c'est vraiment. Il y a vraiment un mélange de tout sur le thème des. Alors, c'est marqué des migrations. Donc, que les causes des migrations forcées soient traitées. Alors, ça, c'est quand même un très très vaste problème et je serais assez curieux de savoir ce que les gens qui ont proposé ça y mettent. Que les demandeurs d'asile soient bien traités et qu'ils aient droit au logement, sécurité, alimentation, éducation pour les mineurs, etc. Qu'il y ait un travail avec l'ONU pour que des camps d'accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde dans l'attente du résultat de la demande d'asile. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les hotspots. Hein. Donc là, c'est quand même pas terrible, terrible, quoi. C'est surtout dans les pays où ça se fait déjà. Et là, on trouve là-dedans aussi que les déboutés du droit d'asile soient reconduits dans leur pays d'origine. Et un petit peu cerise sur le gâteau qui laisse quand même exploser l'élan un petit peu nationaliste, qu'une réelle politique d'intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français. Cours de langue française, cours d'histoire de France et cours d'éducation civique avec une certification de fin de parcours. Donc voilà. Donc en vrai, il y a vraiment énormément de choses. Je crois qu'il y en a 40. Donc je vais pas tout lire. Hein. Ça parle un petit peu de tout, d'éducation, de psychiatrie, ce qui est un peu... oui. Voilà. Même un retour d'un mandat de 7 ans pour le président de la République. Ça a l'air d'être crucialement important. Comme d'ailleurs la destitution de Macron. Hein. Donc voilà. Comme les reconduites à la frontière des personnes déboutées du droit d'asile. Oui. Qui arrivent à peu près 20e position sur 40. Oui, c'est ça, oui. Et donc là, on voit que cette démarche, elle mène un petit peu à rien. Enfin, à rien. À pas grand-chose, en tout cas. Et c'est un petit peu l'avatar d'un mouvement qui naît d'un certain spontanéisme et d'apolitisme. Et qui, de fait, du coup, n'a aucune, enfin, aucun moyen... préexistant pour déterminer comment il va fonctionner, ce qu'il va dire, etc. Et ce qui ouvre un petit peu la porte à un petit peu tout. Voilà. Et justement, là-dessus, sur ce sujet-là, alors après une petite pause musicale, je vais vous parler un petit peu de la délégation dans ce contexte-là, donc la problématique de la délégation, qui parle avec le pouvoir, qui parle aux médias, etc. Donc un petit peu de zik. Voilà, donc comme promis, on va continuer sur la problématique de la délégation au sein. Alors, je sais pas si on peut appeler ça. Je sais pas comment ça s'appelle, un mouvement ou voilà, une mouvance, peu importe, des gilets jaunes. Alors, comme vous l'avez peut-être ou peut-être pas lu, entendu. Il y a un groupe de personnes qui a publié un texte dans le JDD. Alors il me semble que c'était samedi. Donc qui s'appelle ce groupe-là s'appelle les Gilets jaunes libres. Et donc c'est 10 personnes qui proposent de façon très très sympathique et dévouée de représenter le mouvement devant le gouvernement. Donc c'est vraiment un collectif autoproclamé délégation quoi. Alors il était censé être reçu demain par Édouard Philippe. Donc ça a pas pu se faire. Alors on reviendra un tout petit peu plus tard là-dessus. Donc c'est 10 personnes. Et donc leur appel dans le JDD commence par un truc, je vais vous lire l'extrait, c'est juste une phrase. Les gilets jaunes sont des millions, nul n'a le monopole de leur expression ni de leur représentation. Je trouve ça un petit peu paradoxal et particulier vu la démarche de ce groupe. Mais bon, voilà. Donc voilà, voilà. Et il se présente donc. Alors non, je pense que je vais continuer parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Donc soyons responsables et offrons au gouvernement une porte de sortie à la crise. Un groupe de gilets jaunes parmi lesquels des figures de proue du mouvement a souhaité dimanche 2 décembre se présenter comme porte-parole autour d'un projet viable et crédible. Donc c'est vraiment très important la crédibilité, hein, comme on le sait. Nous formons un groupe de citoyens engagés qui constitue une représentation honnête de la France, honnête, qui souffre et se sent délaissé. Nous voulons être les porte-parole d'une colère collective. Et après, bon, ils se définissent loin de toute radicalisation et en accord avec les 80% de Français qui nous soutiennent. Donc nous, on ne sait pas si c'est les Gilets jaunes, une frange des Gilets jaunes ou ce petit groupe de 10 personnes. Donc ils veulent voilà, faire un projet viable et crédible dans l'intérêt de tous et quand même qu'il se fasse dans le respect des institutions de la Ve République, de l'ordre public, des biens et des personnes. Bon, c'était bien de préciser des personnes, hein. Donc il demande l'ouverture d'états généraux de la fiscalité, d'une conférence sociale nationale ainsi que d'assises territoire et mobilité qui prendront la forme de débats régionaux. En somme, effectivement, bien dans le respect des institutions de la Ve République, comme on fait toujours pour noyer n'importe quelle contestation. Donc les revendications sont essentiellement soit institutionnelles, donc faire des référendums, rétablir la proportionnelle à l'Assemblée nationale, ou fiscale, donc qui est quand même enfin sur le carburant. Et bon, alors c'est pas fiscal, mais il parle pas mal aussi du contrôle technique, du nouveau contrôle technique automobile. Et en tant qu'élite, enfin non, pas qu'élite, que représentant autoproclamé, ils ont quand même une proposition de structuration. Donc je cite, nous lançons un appel à tous les citoyens qui ne souhaitent plus seulement approuver, encourager ou soutenir les gilets jaunes libres, mais participer avec eux au mouvement engagé, d'en devenir les référents locaux et départementaux. Bon, en gros, si on résume, bah, faites comme nous à l'échelle locale, devenez porte-parole, autoproclamé. Et bah, c'est assez intéressant de se pencher sur bah, qui sont ces personnes. Alors, je vais un petit peu creuser sur deux d'entre elles, qui ont été pas mal médiatisées. Alors la première s'appelle Jacqueline Moreau. Donc c'est une auto-entrepreneuse originaire de Lorient, si je ne m'abuse, du 56 en tout cas, et qui s'avère être une complotiste notoire. Notamment, elle parle pas mal de la théorie des chemtrails. Donc c'est une théorie selon laquelle les traînées de condensation qu'on voit à l'arrière des avions dans le ciel, serait en fait une sorte de complot mondial pour, alors, au choix, contrôler le climat, nous empoisonner, enfin, je sais pas trop. Ouais. Et du coup, enfin, elle part très très loin dans son délire, puisque le 31 octobre, elle a également déclaré que des sites disparaissent sur la toile, ils commencent à avoir peur. Alors là, samedi, du coup, samedi premier, elle disait à propos des événements, on va dire des événements à Paris, enfin notamment à Paris, voir des destructions de cet ordre-là à Paris, moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Elle a déploré le fait. Voilà. Et elle a invité les vrais gilets jaunes, les vrais, parce qu'il y en a, c'est jaune, il y en a, oui, c'est en plastique ou c'est. C'est pas vraiment des gilets ou c'est pas vraiment jaune, on sait pas trop, à se protéger et être très prudent. Alors se protéger, j'ai un petit peu peur de ce que ça peut vouloir dire, hein. Et quand même, elle finit par on n'est pas là pour démonter la France, on veut mettre la France. Alors elle dit à propos des gilets jaunes libres, on n'est pas là pour démonter la France et d'autres veulent mettre la France à feu et à sang. Ou alors est-ce qu'on veut, pardon. Elle pose la question, est-ce qu'on veut mettre la France à feu et à sang ou est-ce qu'on veut trouver des solutions? grande question. Alors, on monte un petit peu dans le level. Un autre qui s'appelle Benjamin Cauchy, qui est un cadre commercial passé par le. Alors, un cadre commercial, déjà, bon, on voit quand même la défense des exploités. Cette personne-là est vraiment tout à fait concernée en tant que cadre. Alors, ce qui est quand même. On comprend tout de suite qui c'est. Il est passé par le syndicalisme étudiant. Alors, au début, j'ai lu ça, je me suis dit l'UNEF? Ben non, non, évidemment que non. C'est l'UNI. Donc, il était étudiant en droit et militant à l'UNI. Donc, pour resituer, l'UNI, c'est l'Union nationale interuniversitaire, qui est un syndicat de, on va dire, de droite extrême, extrême droite. Donc, qui existe toujours, si je ne m'abuse, hein. Il a eu un mandat local à Laon en tant que UMP. Et maintenant, il serait adhérent, ou tout du moins très proche de Debout la France. Donc le parti politique de Nicolas Dupont-Aignan, donc qui est un parti souverainiste. Et encore mieux, encore mieux, encore pire, il fréquente, enfin il fréquenterait, mais bien qu'il le nie, mais apparemment il a été vu régulièrement avec des personnes de ce groupe-là. Donc des membres de l'Union corporative pour la défense et l'entraide languedocienne, l'UCODEL. Donc c'est apparemment c'est vraiment un groupe bon là dans ce que j'ai lu dans la presse il parle d'ultra droite. Bon, quand la presse parle d'ultra droite c'est qu'on est déjà dans des trucs assez gratinés et effectivement parce que c'est un groupe qui organise des concerts où on voit des cellules nazies. Donc effectivement c'est on peut dire ultra droite sans doute. Hein. Et bon. Pour finir sur cet individu, donc Benjamin Cauchy, c'est une personne qui a déjà été virée de son département en tant que porte-parole. Enfin, il n'a pas été désigné porte-parole, alors je crois que c'est en Haute-Garonne, je ne sais plus. Donc, niveau légitimité, volonté de fédérer un mouvement, bah, on voit déjà de qui il s'agit. Hein. Alors, j'ai trouvé aussi sur le site du Parisien le profil des autres membres de cette délégation. C'est vraiment très très intéressant. Là, on retrouve beaucoup quand même Nicolas Dupont-Aignan. Hein. Donc effectivement, bah, c'est un parti qui fait un petit peu son beurre sur la haine de l'impôt, des soi-disant élites, enfin soi-disant. Enfin, je dis ça parce que apparemment Nicolas Dupont-Aignan ferait pas partie d'une élite, hein, mais ça, je sais pas. Et alors oui, bah, ouais, une autre personne qui prônait après les attentats à Charlie Hebdo bah, en gros de faire justice soi-même. Et voilà, hein, donc. Bon. Aime bien partager des images sur Facebook de gens cagoulés avec le drapeau français, des fusils, tout ça. C'est plein plein de gens super chouettes. Des proches du FN, etc. Donc, alors, voilà. Donc, ça c'est. Il y a cette délégation qui voulait rencontrer. Mardi, donc demain, Édouard Philippe. Et en fait, chez les Gilets jaunes, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Et alors là, je vais juste vous passer un très très court extrait d'une intervention du porte-parole du mouvement à Marseille, qui s'appelle Paul Marat, et qui dit un petit peu ce qu'il pense d'un genre de choses. Les représentants ont été désignés cette nuit. Problème, la démarche est loin, très loin de faire l'unanimité. Paul Marat est porte-parole du mouvement à Marseille. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme Macron. Ben voilà, il va falloir faire comme ça. C'est Paris qui a décidé. Mais vous allez refoutre le feu. Ces personnes ne vont pas. pas être entendues parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Oui, il faut effectivement des représentants des Gilets jaunes, mais il faut que les Gilets jaunes aient le temps de connaître ces personnes. On ne peut pas cinq noms, un petit CV ou une petite biographie, mais c'est juste pas possible. Donc, voilà. Donc, effectivement, ça ne contente pas tout le monde. Et tellement pas que pas mal de ces personnes-là ont reçu, sont fait un petit peu pourrir la gueule sur les réseaux sociaux. Bon, y a eu des menaces de mort, tout ça. Et ils ont décidé finalement de pas rencontrer le gouvernement tant que leur sécurité ne serait pas assurée. Donc voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ouais. Après, j'avais les. Ouais. On peut peut-être enchaîner sur un petit peu de musique, si ça vous va. Voilà, et juste pour finir sur ce petit dossier sur les gilets jaunes Et on vous en dira un petit peu plus encore sur le sujet la semaine prochaine. Une petite compilation d'interviews de CNews qui est assez marrante. Alors je l'ai trouvé où déjà? Je crois que je l'ai trouvé aussi sur l'image. Je suis plus sûr. Bon, bref, écoutons. On va rejoindre les images des Champs-Élysées parce qu'il n'y a pas des affrontements, mais les esprits s'échauffent, on va pouvoir le qualifier comme ça. On a vécu ensemble la charge des CRS et la charge des gilets jaunes, ça sent le gaz lacrymogène actuellement. Vous êtes plutôt pacifique, ça vous dérange ce genre de mouvement, ça vous inquiète? Vous êtes vous-même en CAN, est-ce que vous vous sentez en sécurité là sur les Champs-Élysées? Monsieur, vous vous sentez en sécurité là sur les Champs? Vous vous sentez en sécurité là maintenant tout de suite sur les champs? Vous comprenez que la situation elle est dégénérée comme ça? Oui, c'est grave. J'ai honte de mon pays aujourd'hui. Je vois, on charge des familles, des grands-pères, des femmes, tout le monde. Monsieur, venez, venez. Monsieur, vous êtes sur les Champs-Élysées aussi depuis tout à l'heure, ça dégénère. Est-ce que vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici? Absolument pas. On est venu là pour protester parce qu'on a des droits et que c'est pas normal. Et là, on nous les bafoue. Est-ce que vous vous sentez en sécurité là maintenant non, tout de suite? Non, pas du tout, madame. Tenez, il y a une gazeuse qui vient d'arriver. Vous vous sentez en sécurité là maintenant? Oui, je pense. Vous ne vous sentez pas en sécurité là maintenant tout de suite là? Non, je me sens pas en sécurité. Vous avez vu ces éléments perturbateurs en tête de cortège, masqués, cagoulés, qui sont venus en découdre avec la police? Ça vous fait du mal de voir qu'une minorité pollue le débat de la majorité aujourd'hui, en ce moment même? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous vole aussi votre manifestation aujourd'hui? On indique la présence de 200 casseurs. J'ai pas l'impression qu'on vous vole ce mouvement avec ces scènes-là. Pour vous, c'est justifié ces actes de dégradation? Selon vous, les forces de l'ordre sont les seuls responsables de cette situation? Si je peux me permettre, monsieur, la violence, c'est aussi les gens qui arrachent les pavés et qui les lancent. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que là, vous comptez quitter la manifestation? Face à cette situation qui devient hors de contrôle, est-ce que vous n'avez pas la tentation de partir et de rentrer, de quitter la zone? Des militants gilets jaunes pacifistes qui étaient venus pour revendiquer leurs droits et qui sont déçus. Vous êtes déçus, c'est ça? Je ne me trompe pas, cette dame est déçue. Donc voilà, c'est quand même assez fandard comment les journalistes peuvent, pour le moins, orienter les questions. Là, c'est assez clair, quoi. Voilà. Avant de passer à un autre sujet, on va repasser un petit peu de musique. À tout de suite sur Radio Cayenne. Time, a premature goodbye. I watched you grow and seen you pass. Always knew it wouldn't last. Together now we mourn the loss and remember all the fun. We'll drink the beer and hang out where death took another son. So all for one and one for all. Do we ever wonder why? Though the reason's clear, this friend so dear was taken for his time. So may this run the other door for an ending. The praise of a fallen soul. Somewhere we fall, the dust they think is good for resurrection. Come on and stand and kiss, to a better day, for we can be. your guts and sing the praise of a fallen soul.